إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui, on va expliquer inchallah le cours numéro 7, c'est le cours numéro 7 dans l'explication de Sharh al-Fatwa al-Hamawiyya, l'explication de la fatwa du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'intitule al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra. Et on va lire ensemble encore une fois dans le Sharh du Cheikh Salih al-Fawzan les commentaires qu'il a fait de l'introduction de al-Hamawiyya qui s'intitule التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية. Donc on continue, on est à la page 61 aujourd'hui et on commence avec la citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah des paroles de certains d'entre les Sahaba au sujet de la globalité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa mission. C'est pour expliquer en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement il a expliqué même comment on doit se comporter, comment on doit procéder pour faire nos besoins. Il nous a expliqué même la religion, même dans ses plus petits détails. Alors, c'est évident que les éléments qui sont encore plus importants que ça, comme par exemple la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de ses noms et de ses attributs, de comment l'adorer, eh bien, c'est encore plus évident que il a expliqué, clarifié ces fondements-là qui sont les bases de la religion. Et il mentionne donc des paroles des Sahaba pour montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié la religion pour les hommes. Et à quel point il a expliqué et clarifié les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc il commence par l'exemple. Il dit « Wa qala Abu Dharrin radiallahu anhu » لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne donc la parole du sahabi Abu Dharr qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort et il n'y a pas un oiseau dans le ciel qui bat des ailes, qui bat de ses deux ailes, excepté qu'il nous en a mentionné, qu'il nous a mentionné à son sujet une science quelconque. C'est-à-dire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'a rien laissé de ce qu'on devait connaître comme science. Même un oiseau qui bat de ses ailes dans le ciel, il nous en a mentionné quelque chose. Il nous a mentionné une science à son sujet. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed dans sa Musnad et Al-Tabarani dans Al-Kabir. Et il cite ensuite une parole de Omar ibn Khattab radiallahu anhu dans lequel Omar a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu parmi nous en une occasion et il a expliqué le début de la création. Et il a parlé de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que, yani de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va se passer jusqu'à ce que les gens du paradis entrent dans le paradis et dans leur demeure et que les gens de l'enfer rentrent dans le paradis, dans l'enfer. Donc il a tout expliqué ce qui s'est passé et ce qui va se passer depuis le début de la création jusqu'à ce que les gens de l'enfer rentrent en enfer et que les gens du paradis rentrent dans le paradis. Donc c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout expliqué à ce moment-là, tout ce qui s'est passé de l'histoire et depuis le début de la création jusqu'à la fin. Et il dit, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il dit, celui qui a mémorisé cela, il s'en souvient, tandis que celui qui l'a oublié, l'a oublié. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, le hadith 3192. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente donc ces deux paroles des Sahaba, ces deux athars. Il dit, قال أبو ذر رضي الله عنه يعني يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يحتاجه الناس إلا وبينه لهم حتى الطيور في الجو بين لهم ما يحل منها وما يحرم. Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit que Abu Dhar, radiyallahu anhu, il a témoigné que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a rien laissé de ce que les gens ont besoin de connaître. Hein? Et que même un oiseau dans le ciel qui vole, il nous en a mentionné quelque chose. C'est-à-dire, il a mentionné à ce sujet de qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport, par exemple, à ce qui est halal, de ce qui est haram par rapport à cet oiseau-là. Donc, c'est pour dire qu'il nous a expliqué et clarifié tout ce qu'on a besoin de connaître à propos de la religion d'Allah et à propos de la façon comment on doit vivre. Et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, et ainsi de suite. Ensuite, il y a la parole de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et le cheikh il dit à propos de cette parole, il dit هذه الشهادة الثالثة من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بالبيان. Il dit ça c'est le troisième témoignage, c'est-à-dire qu'il a mentionné auparavant les paroles qu'on a mentionnées. Il y a la parole du hadith qu'on a mentionné au dernier cours, puis après il y a cette parole de Abu Dhar, cette parole de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui vient rajouter donc un témoignage par rapport à ce sujet-là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit, Omar ibn Khattab, on l'a traduit déjà. Il dit que Omar ibn Khattab, il dit le cheikh, shahadat Omar ibn Khattab, رضي الله عنه قال فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم يعني خطبته الطويلة التي خطبها صلى الله عليه وسلم فيهم يوما كاملا يبين لهم فإذا حانت الصلاة نزل وصلى بهم ثم رجع وصعد المنبر وبين لهم حتى بين لهم كل شيء وهذا في موقف واحد من مواقفه صلى الله عليه وسلم يبين فيه الأمور من بداية الخلق إلى نهايته مما علمه الله إلى أن دخل أهل الجنة ودخل أهل النار وما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم من في مقامه هذا إلا وبينه لهم فهذه شهادة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يبين لهم كل ما يحتاجون إليه من بداية الخليقة إلى نهايتها في موقف واحد، فكيف بالوقت من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته كلها، كلها في البيان والتوضيح قولا وعملا، يبين صلى الله عليه وسلم للناس بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر رضي الله عنه علمه من علمه، علمه من علم من علمه وجهله من جهله، دليل على أن هذا البيان ما كل الناس يعرفه، وإنما يعرفه بعض العلماء ويجهله الكثير، والجهل ليس حجة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين، ولكن كثيرا من الناس يجهلونه، وهذا يرجع إلى تقصيرهم لا إلى عدم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique que lorsque Omar ibn Khattab radiallahu anhu explique ça, il témoigne donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tenu parmi eux, et il a donc à cette occasion-là mentionné tout ce qui s'est passé depuis le début de la création jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et les gens de l'enfer entrent en enfer. Et ça c'est lorsqu'il a fait donc sa khutba qui a duré un jour entier. Donc, ça c'est lorsqu'il a fait une khutba qui a duré un jour au complet. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que lorsque la prière approchait, donc il descendait du minbar et il faisait la salat avec les sahaba, puis il remontait sur le minbar après la salat et il continuait sa khutba. Et ça a duré une journée complète. Et durant cette khutba, durant ce discours qu'il leur a donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué tout ce qui s'est passé dans le passé et tout ce qui va se passer dans l'avenir jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et que les gens de l'enfer entrent en enfer. Et il n'a rien laissé de ces informations-là dans cette occasion-là sans qu'il l'explique aux sahaba. Et donc ça c'est un témoignage de la part de Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pour le prophète sallallahu alayhi de la part c'est-à-dire c'est un témoignage de sa part pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout expliqué ce que les gens avaient besoin de connaître au sujet de la religion, au sujet de la vie. Et il a expliqué tout ça du début jusqu'à la fin. Et ça c'était dans une seule occasion durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa mission. Alors que dire du reste de toute la période de temps qu'il a passé durant sa vie à expliquer la religion en détail, par la parole et par l'action, alors qu'il était parmi les gens et qu'il expliquait avec sa parole et avec ses actions. Donc, regardez, ça c'est juste pour donner un exemple à quel point il a détaillé et clarifié et expliqué. Et donc le cheikh il dit, et la parole de Omar ibn Khattab à la fin lorsqu'il dit alimahu man alimahu, c'est-à-dire que celui qui le sait, il le sait, et celui qui l'ignore, il l'ignore, c'est la preuve que cette clarification, cette explication, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Il y a des gens qui le connaissent parmi certains ulama et beaucoup d'autres l'ignorent. Et le cheikh explique que le fait que quelqu'un l'ignore, ce n'est pas une preuve pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Même si beaucoup de gens ignorent cette explication-là ou ne la connaissent pas, mais le manquement ou la faute là-dedans, c'est pas, ça revient pas au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais ça revient au manquement de la personne qui a justement pas fait les efforts nécessaires pour arriver à obtenir cette connaissance, cette science. Et ça me fait penser, quand je lisais ça, je pensais justement à l'exemple de personnes parfois qui, lorsqu'on leur parle d'un sujet à propos de l'islam, sur une question ou sur une situation qui se produit, et qu'on leur explique par exemple que telle ou telle chose, les savants ont mentionné que c'était tel ou tel verdict à son sujet, tu trouves que certaines personnes te disent « Oui, mais pourquoi les savants, ils ne parlent pas ou pourquoi les savants ils expliquent pas? Et la réponse, c'est que parfois c'est pas que les savants n'ont pas parlé ou n'ont pas expliqué, c'est juste que la personne elle, elle n'est pas au courant ou elle sait pas que les savants ont parlé de ça, hein? Et elle n'a pas cherché non plus à savoir ou à lire les paroles des ulama ou à leur aller téléphoner ou à les questionner ou à aller les voir pour leur demander la question. Des fois c'est seulement que yani, ils ont été négligents alors que les savants eux en ont parlé ou ils n'ont pas fait l'effort pour essayer de chercher ou de demander à ceux qui savent. Ils se sont yani, juste limités à leur propre personne et à dire ah mais les savants n'ont pas parlé alors que c'est pas vrai. Donc c'est la même chose pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens par exemple, ils ne connaissent pas la charia, ils n'ont jamais étudié la charia, ils n'ont jamais étudié la aqidah, ils n'ont jamais étudié les sciences de l'islam. Puis ils disent la charia n'est pas complète ou la charia n'est pas suffisante pour les besoins de l'humanité ou pour suffisante ou ne peut pas être appliquée ou n'est pas applicable à l'époque moderne parce que c'était quelque chose qui était révélé il y a de cela plus de 1400 ans. Donc eux ils s'imaginent que ça c'est un argument pour eux parce qu'ils ignorent hein, l'étendue de la charia et ils ignorent la façon dont on peut faire en sorte que la charia s'adapte à toute situation, à toute époque, à tout endroit. Mais étant donné qu'ils n'ont pas étudié, hein, ils accusent la charia d'être incorrecte ou incomplète, hein. Et si ils avaient fait l'effort d'étudier ou d'apprendre la charia d'Allah et d'apprendre les sciences islamiques, ils auraient compris que ça c'est un mensonge et que c'est faux. Mais qui doit-on blâmer dans ce genre d'erreur de leur part? Est-ce qu'on doit blâmer la charia ou on doit blâmer leur ignorance ou le fait qu'eux ils n'ont pas fait l'effort pour vraiment apprendre comme il faut? Et bien entendu c'est le fait qu'ils n'ont pas fait l'effort ou bien qu'ils ont été négligents dans l'étude de la charia. Et souvent tu vas entendre des paroles de ce genre de la part de par exemple de musulmans qui ont par exemple eu une éducation à l'université ou qui ont étudié des choses de la dunya et qui ont appris beaucoup de choses par rapport à soit l'économie ou la science ou la psychologie ou la littérature ou bien d'autres domaines parmi les domaines de la dunya, puis qui ont négligé les questions de la religion d'Allah et donc par la suite ils blâment ou ils critiquent la religion au lieu de voir que la faute elle est en eux-mêmes, le manquement est en eux-mêmes. Wallahu ta'ala a'lam. Et l'exemple que le cheikh ici il donne, c'est pour montrer en même temps aussi par rapport aux gens bid'a qui accusent hein, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'accuse de ne pas avoir transmis, clarifié les questions qui ont rapport avec la aqida. Hein, et qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah. Hein, alors que c'est la base de la religion. Et là, on vient de voir que les sahabas ont témoigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé de tous les sujets, de toutes les questions, il n'a rien laissé, il n'a rien oublié. Donc, s'il n'a rien laissé, il n'a rien oublié de ces sujets-là, alors c'est encore plus impossible d'imaginer qu'il pourrait laisser la chose la plus importante, c'est-à-dire la croyance et la aqida. Donc, on continue avec la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le Cheikh al-Zee wa Muhal, ma'a ta'limihim, kulla shay'in lahum fihi manfa'atun fi dunya wa in daqqat أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم وفي ومعبودهم رب العالمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il dit ici c'est impossible hein? C'est impossible de concevoir qu'avec leur apprentissage le fait que يعني, ils ont appris tout ce qui était bénéfique pour eux dans leur religion, même si ce sont des choses très subtiles, très détaillées dans la religion, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait abandonné de leur enseigner ou laissé le fait qu'il n'aurait pas enseigné aux sahaba ce qu'ils doivent dire avec leur langue et ce qu'ils doivent croire avec leur cœur à propos de leur Seigneur et celui qu'ils adorent, c'est-à-dire le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est inconcevable. C'est impossible et inconcevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait négligé de leur apprendre ces choses-là. Hein, c'est la croyance et les bases. Le cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit « Aïe mustahil anna rasoul sallallahu alayhi wa sallam علم أمته كل شيء لهم فيه مصلحة في دينهم كما اعترف بذلك أصحابه رضي الله عنهم أن يترك باب التوحيد والعقيدة ولم يبينه لهم مع أنه هو الأصل وهو الأساس وهو الذي بعثت الرسل كلهم ببيانه والدعوة إليه فهذا رد على الذين يقولون إن الآيات والأحاديث المتعلقة بالأسماء والصفات ليست على ظاهرها بل لها معنى آخر لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الشيخ لهم هذا محال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الشيء الذي هو أصل الدين ومحال أن يسكت الصحابة ولم ينقلوا هذا البيان للناس فلا يخلو قول المخالفين هذا من أحد أمرين إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم الحق ولم يبين وهذا كفر لأنه اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه بينه ولكن الصحابة كتموه ولم يبينوه وهذا اتهام للصحابة أنهم كتموا الحق ولم ينقلوه للناس فمحال أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم بيان ما يجب على الناس أن يقوله بألسنتهم من الإقرار بالتوحيد بتوحيد الله وأسمائه وصفاته والنطق بذلك والاعتراف به ظاهرا مع الاعتقاد بالقلب بما يقولونه بألسنتهم وهذا فيه دليل على أن العقيدة لابد فيها من الأمرين لا بد فيها من الاعتقاد الصحيح ولا بد فيها من النطق والاعتراف علنا والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم الأمرين بين لهم ما يعتقدونه وبين لهم ما يقولونه بألسنتهم من الثناء على الله والإقرار بتوحيد الله عز وجل ثم وهؤلاء الذين يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهمون الصحابة وعلى النقيض من هؤلاء ناس في وقتنا الحاضر. Donc le cheikh explique que c'est impossible que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à toute sa umma toutes les choses, c'est-à-dire il a enseigné à sa umma, c'est-à-dire aux sahaba et à sa umma par leur intermédiaire, il leur a enseigné toutes choses qu'ils ont besoin de connaître et qui est bonne pour eux dans leur religion. Et ça, c'est selon le témoignage qu'en ont fait les sahaba eux-mêmes, du fait qu'ils ont reconnu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait tout expliqué, ce que la Ummah avait besoin de connaître à propos de la religion, des choses de la vie, et qu'il aurait abandonné ou volontairement laissé de côté l'explication et la clarification du domaine et des questions qui ont rapport avec le tawhid et de la aqidah, et qu'il ne l'aurait pas expliqué pour les gens, il ne l'aurait pas clarifié pour eux, alors que c'est la base de la religion et c'est le fondement de la religion et c'est la chose pour laquelle Allah a envoyé les messagers, tous les messagers, c'est pour cette raison-là qu'il les a envoyés, pour qu'ils clarifient cette base-là, ce principe-là, le tawhid, et pour qu'ils invitent l'humanité à y croire et à l'appliquer. Donc il y a donc en cette explication de la part du cheikh Ibn Taymiyyah une réfutation de ceux qui disent que les versets et les hadiths parlent des noms et des attributs d'Allah ne seraient pas à prendre dans leur sens apparent et qu'elles auraient un autre sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas expliqué ou clarifié. Alors Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il est en train de leur dire, si c'est impossible et inconcevable de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne clarifie pas une chose qui est la base même de la religion. Et c'est inconcevable et impossible de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ne le clarifie pas, et impossible également que les sahaba se taisent à ce sujet-là et qu'ils ne le transmettent pas, hein, cette clarification, ne transmettent pas cette clarification-là aux hommes par la suite. Donc le cheikh il dit que cette idée, hein, cette parole de la part de ceux qui opposent la vérité dans cette question-là, lorsqu'ils disent ça, c'est comme si il y a deux possibilités par rapport à ce qu'ils disent à ce sujet, lorsqu'ils prétendent cette chose-là, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à propos des sahaba. Il y a deux possibilités de comprendre cette parole de leur part. Soit qu'ils sont en train de dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam connaissait la vérité mais il l'a cachée, il ne l'a pas expliqué, et ça de dire ça c'est quoi, c'est de la mécréance, hein, parce que tu es en train d'accuser le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'avoir caché la vérité. Et la deuxième chose que peut vouloir dire cette parole de ces gens-là à propos des sahaba, c'est que le prophète, c'est comme s'il disait, oui, le prophète, ou bien la première possibilité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a caché la vérité. La deuxième possibilité, c'est que non, il l'a pas caché, mais ce sont les sahaba qui ont caché cette vérité-là, et qu'ils ne l'auraient pas clarifié. Et ça, c'est une accusation contre qui? Contre les sahaba, d'avoir caché la vérité et de ne pas l'avoir transmise aux hommes. Et ça, c'est impossible, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse de côté l'explication de ce qui est obligatoire pour les hommes, de dire à propos, avec leur langue, comme à propos de la religion, à propos des fondements de la religion, c'est-à-dire, par exemple, de confirmer et de déclarer le tawhid d'Allah dans ses noms, dans ses attributs, et de le prononcer, de le dire ouvertement, et de le reconnaître en apparence, et d'y croire avec notre cœur, hein, de croire avec notre cœur en ce qu'on dit avec notre langue à ce sujet-là. C'est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ne nous aurait pas enseigné comment croire et comment parler de cette croyance-là. Et il dit ensuite que il dit, et ça c'est la preuve que la vraie croyance, elle nécessite deux choses. Elle nécessite premièrement d'avoir une aqida qui est correcte, une bonne croyance, et elle nécessite également que cette croyance-là soit exprimée ouvertement et qu'elle soit déclarée et reconnue, avec la langue. Qu'on le dise. Et le chef, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué aux sahaba ces deux choses-là. Hein, a expliqué aux sahaba ces deux choses-là. Il leur a expliqué ce qu'ils doivent croire, et il leur a expliqué également ce qu'ils doivent dire, comment ils doivent exprimer cette croyance-là avec leur langue, comment ils doivent en parler. C'est-à-dire comment ils doivent glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, et comment ils doivent également reconnaître son unicité. Hein? Et donc, ceux qui accusent, donc ceux-là, ceux qui disent cette parole à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas les choses à propos d'Allah, de ses noms et de ses attributs, ou que les sahaba ne connaissaient pas la connaissance à propos d'Allah et de ses noms et de ses attributs, ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ignorance. Et s'ils n'accusent pas d'ignorance, c'est-à-dire s'ils disent oui, il le savait, mais il n'en a pas parlé, il l'a caché, eh bien ils l'accusent d'avoir manqué à sa mission, d'avoir été malhonnête envers la création, et ceux qui ne le font pas directement en accusant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il passe par une autre voie c'est-à-dire par la voix des Sahaba, et ils mettent le tort sur les Sahaba en les accusant soit d'ignorance ou en les accusant de justement avoir caché la vérité, comme les Rafida par exemple. Et donc ça aussi c'est une forme yani, d'égarement, hein? Et le cheikh il va établir la preuve de ça. Donc il dit cela, ils accusent les Sahaba. Il y en a qui accusent le messager sallallahu alayhi wa sallam, et également qui accusent les Sahaba. Et à l'opposé de ceux-là, c'est-à-dire à l'opposé de ceux qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas expliqué ou clarifié correctement le tawhid, il y a à notre époque, le cheikh il dit, في وقتنا الحاضر على نقيض من هؤلاء ناس في وقتنا الحاضر يقولون إن أمر التوحيد سهل المسلمون كلهم يعرفونه بدون أن يبين لهم ويدرسونه ويتهاونون في أمر العقيدة وينكرون على الذي يهتم بالعقيدة يعني ينكرون على الذي يهتم بالعقيدة ويدرسها للناس ويبينها ويقولون له أنت تتهم الناس وأنت تفرق بين الناس وأنت إلى آخره. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit que à l'opposé de cela il y a une autre catégorie de personnes à notre époque qui disent le tawhid c'est quelque chose de facile. Tous les musulmans le connaissent, ils n'ont pas besoin de l'étudier, ça n'a pas besoin d'être clarifié pour eux, puisque c'est quelque chose qui est simple. Hein? Et ils, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils dénigrent l'importance de la aqida. Ils en font quelque chose de pas important, et ils vont critiquer et dénoncer, comme ils vont comme reprocher à la personne qui donne de l'importance à la aqida, qui l'enseigne aux gens et qui la clarifie pour les gens, hein, ils vont lui faire des reproches et ils vont lui dire toi tu accuses les gens, toi tu divises les gens, hein, et toi yani il a affaire. Donc il l'accuse de vouloir faire de la division, de vouloir faire de la fitna, de vouloir faire ci, de vouloir faire ça, parce qu'il donne de l'importance à la aqida. Donc, ça c'est un exemple aussi de ce que le cheikh explique ici. Après, on continue donc avec la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. Donc, le cheikh, il continue donc la phrase de qu'est-ce qu'il expliquait auparavant en disant que c'est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas expliqué à ses sahaba ce qu'ils doivent voir et ce qu'ils doivent dire à propos d'Allah, hein, ce qu'ils doivent dire avec leur langue et ce qu'ils doivent croire avec leur cœur à propos du Seigneur des mondes. Et il dit donc ensuite, qu'est-ce qu'on vient juste de lire, il dit dans le fait de connaître, dont sa connaissance, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, est en fait le but de toutes les connaissances. Le but, l'objectif de toutes les connaissances. Et dont l'adoration est la plus noble, est le plus noble des objectifs. Hein? Et dont l'atteinte de ce but est le plus important de tous les réclamations, de toutes les choses recherchées. Hein? Donc c'est comme pour dire ici, le cheikh de l'Islam est en train d'expliquer que cette connaissance à propos d'Allah, à propos de ses noms, à propos de ses attributs, comment on doit croire en lui, comment on doit l'adorer, c'est la plus importante de toutes les connaissances, la plus noble de toutes les le plus noble de tous les objectifs, et la chose la plus recherchée parmi toutes les choses qui existent. Hein? Donc c'est pour dire que c'est pas possible qu'on néglige cette chose-là, puisqu'elle a cette importance-là. Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ça en disant « Ma'rifatu al-tawhid bil-qulub ghayatul ma'arif فإذا لم تعرف ربك فماذا تعرف إذن؟ لا يمكن للمسلم أن يجهل ربه، ومن الجهل بالرب أن يجهل أسماءه وصفاته. وما تعرف به إلى خلقه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا المعرفة لا تكفي، فلا بد من العبادة. فالذي يعرف الله لا بد أن يعبده. وأما إنه يقول أنا عارف كما تقوله الصوفية، وأن الإنسان إذا عرف ربه لا يحتاج إلى أن يشتغل بالعبادة لأنه وصل إلى الله بزعمه، هذا باطل. لا بد من الأمرين، لا بد من معرفة الله عز وجل، وليس معنى معرفة الله وليس معنى معرفة الله أن تعرف ذاته، بل تعرف أسماءه وصفاته. أما ذات الرب سبحانه وتعالى فلا يعلمها إلا هو، وكيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله. ولكن نحن علينا أن نعرفه بالأسماء والصفات الثابتة، بأن نعرف معانيها ونتعبد لله بها دون أن نبحث في كيفيتها أو في ذات الرب سبحانه وتعالى. فهذا لا يمكن الوصول إليه أبدا، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالرب سبحانه وتعالى علما. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique, il dit la connaissance du tawhid, pour les cœurs, c'est le plus grand des objectifs par rapport à la connaissance. C'est le but même de la connaissance, de connaître le tawhid, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Le cheikh il pose une question très importante, et cette question-là est vraiment fondamentale. Le cheikh il dit, si tu ne connais pas ton Seigneur, si tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu connais? Tu ne connais rien. Et souvent je disais ça des fois, même à des soirées. Ça les enrageait un peu. Mais c'est de qui fait que, je disais, même si tu as le plus haut diplôme, même si tu es docteur, peu importe le degré de science que tu as, si tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un ignorant. Donc, la plus importante de toutes les sciences, c'est la science qui te rapproche de ton Créateur, qui t'aide à connaître ton Créateur, qui t'aide à adorer ton Créateur. Et donc, si tu ne connais pas ton Seigneur, qui il est, alors qu'est-ce que tu connais? Le cheikh il dit, et ce n'est pas possible qu'un musulman ignore son Seigneur. Parce que, comme s'il dit, « La yumkinu lil muslim an yajhala rabba » Ce n'est pas possible qu'un musulman ignore qui est son Seigneur. Il dit, par exemple, parmi les formes d'ignorance de ton Seigneur, c'est que tu ignores ses noms et ses attributs. Et il dit, « Ses noms et ses attributs sont les choses par lesquelles il s'est fait connaître à sa création dans son livre et dans la sunna de son messager. » Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas possible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne connais pas qui est Allah. Et tu ne peux pas le connaître sans te référer à sa révélation, c'est-à-dire à sa révélation, c'est-à-dire au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître, il ne peut pas l'adorer réellement. Son adoration ne va pas être correcte, ne va pas être complète, ne va pas être comme il faut. Parce qu'il ignore qui est-ce qu'il adore. Tu ne peux pas adorer si tu ne connais pas ce que tu adores. Tu ne connais pas celui que tu adores. Et non, donc tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne le connais pas. Et donc le cheikh il dit ici, on ne parle pas juste... d'avoir la connaissance seulement. La connaissance ne suffit pas à elle-même. Il faut qu'il y ait avec cette connaissance de l'adoration. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il doit absolument adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de dire seulement « moi je connais Allah », un peu comme le disent les soufis, ils ont ce genre d'expression quand ils parlent, ils disent « moi je », comme s'ils parlent de leur chemin, ils disent « al-arifu billah », le connaisseur d'Allah, hein, celui qui a connu Allah. Donc le cheikh il explique, il dit « c'est pas suffisant juste de dire connaître Allah de cette façon, il faut aussi l'adorer ». Il dit « si quelqu'un par exemple, il dit « si quelqu'un a connu son Seigneur, il faut qu'il s'occupe de l'adoration. Mais si quelqu'un, il dit, moi j'ai connu Allah, maintenant j'ai plus besoin de l'adorer, je suis arrivé, hein, j'ai atteint mon objectif, j'ai atteint le but, je suis arrivé à Allah, hein, j'ai atteint l'illumination, comme ils prétendent, et bien ça c'est bien entendu de l'égarement, ça c'est faux, hein. Et il y a des soufis qui font ça, il y a des soufis qui disent ça. Et des fois, Tariq Ramadan, quand il parle des soufis, hein, il essaie de dire qu'il y a des soufis, yani qui sont des vrais soufis, et eux ils font des efforts dans l'adoration, et ils sont très rigoureux, ils font beaucoup d'efforts, ils font beaucoup d'adoration, beaucoup de zikr. Puis il dit, il y a une autre catégorie de soufis, c'est il les appelle les New Age, hein. Les soufis, il y a une nouvelle mode, new look. Et il dit que cette sorte de soufis-là, eux, c'est comme si tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin de rien faire. Il dit ça, ça ce n'est pas le vrai soufisme, hein, pour lui. Alors qu'en réalité, c'est un mensonge. Peut-être qu'il ne le dit pas par mensonge, peut-être c'est à cause de son ignorance de la réalité du soufisme, mais dans les écrits des maîtres des soufis les plus respectés, ils ont ce concept, hein, que lorsque tu atteins un certain degré dans la piété, dans la religion, eh bien, tu arrives à un moment où tu as atteint la réalité et que tu n'as plus besoin maintenant de respecter les règles de la religion ou les obligations. Tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de jeûner, il n'y a plus de halal, il n'y a plus de haram, parce que tu as atteint ce degré-là. Hein? Et parmi eux, il y en a même qui vont citer le verset dans le Coran qui dit « Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu aies atteint la certitude. La certitude dans ce verset, les ulama l'ont expliqué comme étant la mort. C'est-à-dire, adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu meurs. Et eux, ils l'interprètent en voulant dire « Adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu atteins la certitude », c'est-à-dire un de leurs degrés, hein, dans le soufisme. Et une fois que tu as atteint ce degré-là, ça y est, tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de jeûner. Et ceux qui ont exprimé ce genre d'idée, ce n'est pas des, comme il dit lui, des « new look » ou de je ne sais pas quoi, même c'est des gens que lui-même prétend comme étant des maîtres soufis et que toutes les tours soufis en respectent comme étant des références pour eux, hein. Comme étant des exemples, et on retrouve ces principes-là écrits dans les livres des soufis. Donc, comment tu vas prétendre, toi, que ça, c'est pas des vrais soufis, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est de toute façon, c'est l'égarement de ces gens-là. Et puis, ils ont, comme on dit, des choses qui sont cachées. C'est-à-dire, ils ont des principes qu'ils ne disent pas à tout le monde. Les soufis, ils ont des principes qu'ils ne disent pas à tout le monde. Ils vont pas dévoiler ces principes-là à des débutants, par exemple, ou à des gens qui ne sont pas initiés, mais au fur et à mesure que quelqu'un devient initié dans le soufisme et qu'il rentre dans le soufisme, il monte en degré, et au fur et à mesure qu'il monte, on lui révèle des choses que les autres ne connaissent pas, et on les écarte, hein, petit à petit, graduellement, jusqu'à ce qu'ils quittent, hein, complètement les principes de l'islam, ne semble pas à l'afia. Donc, même qu'on a donné des exemples de ça, il y a des choses qui sont bien connues à ce sujet-là. Juste pour donner l'exemple des païfals au Sénégal. Hein. Et il n'y a pas que au Sénégal. Dans tous les pays où il y a des soufis, que ce soit en Égypte, en Syrie, au Liban ou ailleurs, dans les pays arabes, en Irak, au Pakistan, dans tous ces pays-là, il y a des gens qui ont ces idées-là. Mais on donne l'exemple du Sénégal juste parce que c'est celui qui est plus familier. les Baïfal qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de, ils n'ont pas besoin de jeûner ou de faire la salat parce que eux, ils servent leur cheikh Ibrahim Fall ou bien défendre la tariqa. Donc, ils sont préoccupés par ces choses-là. Ils n'ont pas le temps de faire la prière ou de faire le jeûne. Donc, ça, c'est des exemples d'égarement. Un être humain n'a pas le droit de libérer une créature des obligations qu'il a envers son créateur, sous prétexte qu'il est un cheikh, mais un maître soufi ou je ne sais pas quoi encore. Donc, ça, c'est des exemples de superstition et de mensonges dans les croyances des soufis. Donc, le cheikh dit de juste dire que tu as la connaissance d'Allah, c'est pas suffisant. Il faut que tu aies l'adoration aussi. Il faut que tu aies l'adoration avec. Si tu dis je suis arrivé à Allah, ça c'est faux. Hein, si tu penses que tu es arrivé, tu n'as plus besoin d'adorer Allah, ça c'est faux. Et donc, il faut les deux. Connaître Allah, et il dit c'est pas juste connaître Allah, c'est pas quand on dit connaître Allah, connaître son être, hein, connaître sa personne. Parce que ça, on ne le connaît pas. Mais c'est de connaître ses noms et ses attributs. En ce qui concerne de connaître Allah en sa personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il n'y a personne qui le connaît excepté lui. C'est seulement Allah qui se connaît lui-même, tel qu'il est. Mais nous, on le connaît par ses noms et par ses attributs. Hein? Mais qu'est-ce qu'on connaît? C'est la signification de ces noms et de ces attributs-là. En ce qui concerne le commun de ces noms et de ces attributs, on ne les connaît pas. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, qui connaît le commun. Hein? Comment il est, comment est sa vue, comment est son nu, comment est sa force, comment est sa puissance, comment est sa sagesse. Hein? La réalité de ces choses-là, c'est seulement Allah qui les connaît, mais en ce qui concerne leur signification, la signification de ces noms et de ces attributs-là, on les connaît puisque c'est des termes et des mots qui existent dans la langue arabe, qui sont mentionnés dans la révélation du Coran et de la Sunna et qui sont affirmés et confirmés dans les textes authentiques. Hein? Donc, on les affirme, on y croit et on connaît leur signification, comme le cheikh dit. Donc, il est obligatoire pour nous de y connaître ces noms et ces attributs-là qui sont confirmés dans la révélation, de connaître leur signification, d'adorer Allah par ces noms et par ces attributs-là, sans essayer de comprendre leur commun, comment elles sont, leur description, ou des choses de ce genre, ou d'essayer de connaître Allah dans son être, et ainsi de suite. Ça, on ne peut pas y arriver. Il faut se limiter à ce qu'il nous a fait connaître. Personne ne connaît les détails du commun ou de la réalité de l'être d'Allah excepté lui-même, excepté Allah. Et il mentionne le verset 110 dans Surah Taha, le cheikh, au sujet duquel, dans la signification duquel est يعني ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا يحيطون بالرب علما c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il connaît ce qu'il y a devant eux et ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux et ils ne peuvent pas le cerner de leur science. Ils n'ont pas une science qui leur permet de connaître et complètement Allah. Et donc ça c'est à ce sujet. Ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit: بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah explique que cette connaissance du tawhid et des noms et des attributs d'Allah et de l'adoration, il dit que ça c'est le sens de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est l'essence de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la crème du message divin qui a été transmis à l'humanité. C'est-à-dire que c'est le meilleur, le plus élevé de tous les niveaux, de toutes les connaissances, la plus importante de toutes. Cheikh al-Fawzan il dit: At-tawhid huwa khulasatu da'wati al-anbiya alayhi as-salatu was-salam. لا سيما خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو معرفة الله وعبادته وطلب الوصول إليه وذلك هو غاية دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم وما عدا ذلك وما عدا ذلك فهو وسيلة إليه كما نعم فهو وسيلة إليه كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هو الذي جاءت به الرسل ودعت إليه وأمرت به وكيف نعبد الله ونحن لا نؤمن بأسمائه وصفاته لا يمكن هذا إذا لم نؤمن بأسمائه وصفاته فإنا نجهل حقه وعظمته نحن ما رأيناه بأعيننا ولكن عرفناه بآياته سبحانه عرفناه بآياته وأسمائه وصفاته ولهذا هذا لأن هذا الكون شاهد بأنه لأن هذا الكون شاهد بأن له خالقا يستحق العبادة لا يستحقها غيره الكون كله بسمائه وأرضه وشمسه وقمره ونجومه وبره وبحره والكائنات التي تعيش فيه كلها دالة على الله جل وعلا كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هذه هي الآيات الكونية وأما الآيات القرآنية فهي واضحة في هذا الأمر كلها تدل على الله وتأمر بمعرفته وعبادته والتقرب إليه وطلب مرضاته Donc le cheikh ici cheikh Al-Fawzan il explique que le tawhid donc c'est l'essence de la da'wa des prophètes hein c'est يعني en particulier le dernier d'entre les prophètes l'imam des prophètes qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est de connaître Allah et de l'adorer et de chercher à يعني se rapprocher de lui et d'arriver à ce but là et c'est le but de tous les prophètes depuis le premier d'entre eux jusqu'au dernier hein, et tout ce qui est en dehors de ce but là dans la religion eh bien c'est un moyen pour arriver à ce but tout ce qui est dans la religion de l'islam en dehors du tawhid est un moyen pour arriver au tawhid hein? Donc tout messager a dit à son peuple lorsqu'il a commencé à l'appeler à Allah la première chose c'est il a dit chaque prophète la première chose qu'il a dit c'était quoi oh mon peuple adore Allah c'est-à-dire unifie Allah dans son adoration tu n'as pas d'autre divinité à part lui hein? Le verset 59 dans sourate al-A'raf et quand vous lisez sourate al-A'raf vous allez voir que chaque prophète qui est mentionné qui vient à son peuple la première chose qu'il commence à dire c'est يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ Chaque prophète a dit ça à son peuple en commençant sa da'wa. Et le cheikh il dit, ça c'est la chose avec laquelle tous les messagers sont venus. Et c'est la chose à laquelle ils ont tous appelé et qu'ils ont tous ordonné. Alors comment pouvons-nous adorer Allah si nous ne croyons pas en ses noms, ses appels? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire on ne peut pas adorer Allah si on ne croit pas en ses noms et en ses attributs. Ce n'est pas possible. Hein? Et le cheikh il dit, si on ne croit pas en ses noms et en ses attributs, alors dans ce cas-là, on va ignorer le droit qu'il a sur nous, hein? Son droit. Et on va ignorer également sa grandeur. Hein? Parce qu'on n'a pas vu Allah avec nos yeux. Hein, dans cette dunya. Et bien entendu, on va le voir au jour de la résurrection. Hein, ça, c'est une aqida d'Ahl Sunnah al-Jama'a, puis on va voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans la surat al-Qiyamah, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ Donc, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, on va le regarder avec nos yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim que les gens vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection comme on voit la lune, hein, lorsque c'est la pleine lune, un jour où il n'y a pas de nuage. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, est-ce que vous avez de la difficulté à la voir lorsqu'elle est comme ça? C'est-à-dire de voir la lune lorsque c'est la pleine lune et qu'il n'y a pas de nuage dans le ciel. Et les sahaba ont dit non. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme ça que vous allez le voir. Hein? Donc, au sujet de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il n'y a pas de divergence entre les sahaba sur ça. Tout le monde est d'accord. Et ça fait partie des fondements de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et ceux qui ont divergé là-dessus, comme les Jahmiyyah et les Mu'tazila, et ceux qui les ont suivis, comme les Asha'ira et les Maturidiyah, eux, ils nient cette chose-là. Hein? Ils nient cette chose-là. Donc, là, les sahaba sont d'accord là-dessus. Na'am. Ensuite, donc, on n'a pas vu, par contre, dans cette lumière, on n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, on le connaît par ses noms et par ses attributs. Et par ses signes. Et le cheikh, il mentionne, il dit, par exemple, on est tous témoins de cet univers qui est autour de nous. Et que cet univers, elle a un créateur qui mérite d'être adoré. Et que personne ne mérite d'être adoré excepté lui. Cet univers, hein, avec son ciel, avec sa terre, avec son soleil, avec sa lune, avec ses étoiles, hein, avec, qu'est-ce qu'il y a dessus comme terre, comme mer, comme océan, et toutes les créations qui existent et qui vivent dessus, toutes ces choses-là indiquent, hein, indiquent que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Comme disait le poète, dans toute chose, hein, dans toute chose, il y a une preuve ou un signe qui indique qu'il est unique. Donc, dans toute chose qui existe, il y a un signe qui indique que Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Et le cheikh dit que ça, c'est les signes d'Allah dans sa création. En ce qui concerne les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son existence et de sa grandeur, et la connaissance à son sujet dans le Coran, eh bien, ça c'est bien clair. Hein? Il y a beaucoup de preuves à ce sujet-là dans le Coran à propos de la création d'Allah et ainsi de suite, qui nous font réfléchir. Donc tout ça, ça indique que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur, que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Hein? Et ça nous ordonne de le connaître, ça nous ordonne en même temps, ça nous pousse à l'adorer, à se rapprocher de lui et à chercher ce qui amène son agrément. Hein? À chercher ce qui amène son agrément. Hein? Mais ceux qui ignorent, qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala parmi les kuffars, vous voyez la réaction ou les réactions qu'ils ont. Souvent, vous allez voir qu'ils ignorent ou ils ne comprennent pas la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'ils ne croient pas en la prédestination et ils n'essaient pas de comprendre la sagesse qu'il y a derrière les événements qui se produisent dans la vie. Et ils accusent Allah subhanahu wa ta'ala de faire de l'injustice, hein, et de pas être juste ou des choses de ce genre. Et même certains d'entre eux se mettent en colère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et certains d'entre eux même insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est à cause de leur ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'ils n'ont pas cherché à le connaître comme il est et à connaître ses noms et ses attributs dans sa révélation. Et que tu trouves en fait que la plupart de ces gens-là, ils essaient de se faire eux-mêmes un dieu selon leur passion et leur désir. Hein? Et donc, quand ils trouvent dans la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui est en contradiction avec qu'est-ce qu'ils veulent, hein, ou qu'est-ce qu'ils désirent, eh bien, ils essaient de le renier. Ils essaient de le renier et ils essaient de se faire un Dieu qui va être en accord avec ce qu'ils cherchent eux-mêmes. Et c'est pour ça que ces gens-là nient, en fait, les noms et les attributs d'Allah. C'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Allah. Ils ne veulent pas être soumis à Allah et croire en Allah comme Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de croire en lui. Plutôt, ils veulent croire en Allah subhanahu wa ta'ala selon leur passion à eux. Et ils voudraient que Allah soit soumis à leurs désirs, non pas soumettre leurs désirs à Allah. Hein? Donc, quand tu vois par exemple, je me souviens, Annie, que. C'est un exemple, peut-être que ce n'est pas le meilleur exemple, mais c'est un exemple quand même du fait que une personne disait qu'elle ne voulait pas croire en une religion parce que, à cause de la position de la religion envers, par exemple, l'homosexualité. Donc, elle considérait que l'homosexualité c'était une chose bonne, que c'était une chose normale, puis que les religions. Yani condamne cette chose-là. Donc, à cause de cette chose-là, elle refuse d'accepter la religion. Donc ça, c'est de mettre les choses à l'envers. Parce que, en fait, c'est de dire, je cherche à satisfaire ma passion ou à trouver une idée qui est en accord avec mes désirs. Et puisque la religion contredit mes désirs, eh bien moi, je rejette la religion. Pourtant, si quelque chose est vrai, si quelque chose est la vérité, et que c'est en contradiction avec tes passions, tes désirs, eh bien, tu dois admettre que tes désirs sont incorrects et te soumettre à la vérité. Hein, et non pas chercher à rejeter la vérité parce qu'elles sont en contradiction avec tes désirs. Hein, donc, c'est ça la signification donc, de croire et de se soumettre à Allah. Et ça, c'est juste un exemple que j'ai donné, mais sinon, si tu regardes l'exemple des kuffars par rapport à leur croyance en Allah, c'est encore plus évident. Hein, par rapport, par exemple, aux chrétiens, par rapport aux juifs, par rapport aux hindous, aux bouddhistes et aux autres kuffars hein, qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il ne sait pas attribuer lui-même ou qui lui nie des attributs qu'il s'est attribués, et ainsi de suite. Donc, na'am. Donc, le cheikh, ensuite, il explique. Et na'am. Ensuite, le cheikh, il explique. Il dit, cheikh l'islam, فَكَيْفَ يَتَوَهَّمُ مَنْ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى مُسْكَةٍ مِنْ إِيمَانٍ وَحِكْمَةٍ أَنْ لَا يَكُونَ بَيَانُ هَذَا الْبَابِ قَدْ وَقَعَ مِنَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عَلَى غَايَةِ التَّمَامِ إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين أو قاسين أو ناقصين أو ناقصين عنه أي نعم دونك الشيخ انتي كما pourrait يعني كما une personne qui aurait même une infime portion de foi dans son cœur ou de sagesse pourrait s'imaginer que cette explication de la foi et du tawhid et des fondements de la croyance en Allah et de ses noms et de ses attributs ne serait pas arrivée de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière la plus complète. C'est-à-dire, comment toi, tu pourrais imaginer, si tu as un minimum de foi et de sagesse, comment tu pourrais imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué les fondements de la religion de la meilleure façon? Hein? Ça, c'est pas possible. Si tu as un minimum de foi, tu ne peux pas concevoir une chose pareille. Et le cheikh, il dit, « إِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ » Si c'est arrivé de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'effectivement, tu conçois qu'il l'a expliqué, il a expliqué les fondements de la religion, alors, dans ce cas-là, tu dois admettre aussi que c'est impossible hein, que les meilleurs de sa oumma hein, et les plus grands de cette oumma et de ses meilleures générations auraient négligé ou eu des manquements à chercher la connaissance à ce domaine-là, dans le domaine de la foi et des fondements de la religion, ou qu'ils auraient eu des manquements à son sujet, soit en ajoutant dans la religion ou en enlevant. C'est pas possible de concevoir que ceux qui ont suivi parmi les Sahaba et les Tabi'in auraient eu des manquements dans cette question-là en particulier. Hein? Puisque dans les choses les plus petites de la religion, ils ont ils ont donné beaucoup d'efforts pour le préserver. Et il n'y a pas de grand ou de petit dans la religion. Tout est important et tout est grand. Mais c'est juste pour expliquer que il y a des principes ou des éléments qui sont plus fondamentaux que d'autres. Comme par exemple le tawhid et la foi. Hein? Donc le cheikh explique ensuite ce passage. Cheikh Al-Fawzan, il dit « Hey, كيف يتصور أو يتصور من عنده عقل ولو كان قليلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أهمل هذا الباب ولم يبينه للناس حتى يأتي أفراح الجهمية ويبينوه للناس ويضلل السلف الصالح أو يتهمهم بالجهل وأنهم لا يعرفون ذلك؟ هذا التصور محال لأمرين. أولا محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الباب، وإذا لم يبينه فماذا بين إذن؟ ومن اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه فهو كافر. ثانيا محال أن يكون الرسول بين هذا صلى الله عليه وسلم وكتمه الصحابة ولم ينقلوه ولم يبينوه للناس وهم أفضل الخلق وأفضل القرون وأنصح الخلق وأعلم الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغنا هذا الدين إلا عن طريقهم وهم الذين حملوا إلينا حملوا إلينا القرآن وعلمونا إياه بعدما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا إلينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورووها لنا حديثا فما من حديث إلا وهو مروي عن صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, comment quelqu'un pourrait concevoir s'il a un minimum de raison, quelqu'un qui a de la raison, même si c'est un peu de raison, comment il pourrait concevoir que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم aurait négligé la question du fondement de la religion et qu'il ne l'aurait pas clarifié pour les hommes jusqu'à ce que viennent les poussins, les petits des Jahmiya, hein, les gens qui ont suivi la voie des Jahmiya pour le clarifier pour les gens. Donc c'est eux qui sont venus après les Sahaba pour nous expliquer, hein, et qui viennent déclarer les Salaf al-Salih comme étant les égarés et les accuser d'ignorance, hein, parce que c'est ce qu'ils font en réalité. Ils sont en train d'accuser les Salaf d'être des ignorants et ils accusent les Salaf de ne pas avoir compris la religion et les fondements de la religion. Il fallait que ce soit eux qui viennent pour expliquer la religion mieux que ce que les Sahaba ont compris. Ils accusent les Sahaba et les Salaf de ne pas avoir connu la religion et les fondements de la religion. Et cette idée-là, elle est impossible, inconcevable, pour deux raisons. Premièrement, c'est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait abandonné l'explication ou délaissé l'application de ce domaine, comme on l'a dit déjà, ou qu'il ne l'aurait pas clarifié correctement. Parce que s'il n'a pas expliqué ça, cette base, les bases de la foi, alors il a expliqué quoi dans la religion dans ce cas-là? Et celui qui croit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué les fondements de la religion, alors c'est un kafir. Alors il est kafir. Et le deuxième point, c'est que c'est impossible, hein, cette idée, elle est impossible, c'est-à-dire c'est impossible que les sortes, que si le prophète, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a expliqué, c'est impossible que les sahabas l'ont caché à leur tour et qu'ils ne l'ont pas transmis et enseigné aux gens par la suite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible, alors que ce sont eux les meilleures créatures et les meilleures générations et ceux qui sont les plus sincères envers la création et les plus savants de la création d'Allah après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils sont les intermédiaires entre nous et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a rien de la religion qui nous est parvenu aujourd'hui excepté que c'est par leur intermédiaire que ça nous a été transmis, parce que c'est eux qui ont transmis et qui ont porté le Coran jusqu'à nous, hein, alors depuis leur époque jusqu'à aujourd'hui, hein, et qui nous l'ont enseigné et yani, après l'avoir eux-mêmes étudié ou appris du messager lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont eux qui ont également porté pour nous la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui nous l'ont transmise hadith par hadith, hein? Et donc il n'y a pas un hadith qui existe aujourd'hui qui nous est transmis excepté que ça a été transmis par un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour nous dire que c'est pas possible que les sahaba auraient ignoré ou caché cette réalité-là aussi, comme on l'a dit déjà. Et il y a des soufis, hein, par des turcs soufis, elles se basent sur l'idée que les sahaba ont caché des connaissances, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a caché des connaissances sur la religion. Hein, et c'est basé sur le soufisme est basé sur cette idée-là, sur l'idée qu'eux, ils connaissent des secrets que personne ne connaisse à part eux. Et que ce secret-là, il a été transmis d'un cheikh à l'autre depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Comme il y en a par exemple parmi ces turcs qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était caché dans la caverne lorsqu'il a fait la hijra avec Abu Bakr, et qu'il était seul avec Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu dans la caverne, il prétend qu'il a donné à Abu Bakr des connaissances secrètes de la religion, puisque ces connaissances secrètes, elles ont été transmises par la suite à quelqu'un d'autre, par Abu Bakr, et que ça forme une chaîne, hein, de transmission de la tête des turcs soufis, hein, des chouyouks des turcs soufis aujourd'hui, jusqu'à Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Et il y en a d'autres qui ont inventé une autre chaîne à partir de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et il y a les Rafidah qui ont une idée, hein, les Shia qui ont des idées un peu semblables, qui prétendent que c'est Ahlul Bayt qui ont transmis la religion et que le reste des musulmans n'ont pas la vraie version. Tout ça c'est des mensonges de la part de ces gens-là, hein, et ils ont tous menti à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il prétend qu'il a caché quelque chose de la religion, ou bien qu'il ne l'a pas divulgué. Et la même chose aussi à propos des sahaba, qu'ils auraient caché quelque chose de la religion, sans oublier que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il menace celui qui cache la religion, hein. Et surat al-Baqarah, ceux qui cachent la religion, alladhina yaktumuna ma anzala Allah. Et il y a des hadiths aussi à ce sujet-là, qui sont clairs. Hein? Donc, ça c'est à propos de ce point-là. Ok, on va expliquer encore un autre point. Le cheikh il dit, « ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب في الحق المبين. Le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ensuite, et ensuite c'est également inconcevable que ces meilleures générations soient la génération dans laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba, puis ceux qui les ont suivis tabi'in. Puis ceux qui les ont suivis, les tabi'in, c'est impossible que ceux-là ne connaissaient pas hein, ces fondements-là de la religion. Ou qu'ils ne, et qu'ils n'en parlaient pas, ou qu'ils n'ont pas parlé de ce domaine-là par la, en parlant de, d'une façon qui est vraie et évidente et claire. Ce n'est pas possible qu'ils ne connaissaient pas ça et qu'ils n'en ont pas parlé. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit « Ey, min al-muhal, an takuna al-qurun allati ja'at ba'd al-sahaba wa talaqat al-ilm anhum » أن تكون أغفلت هذا الباب. يعني سبحان الله. Est-ce qu'il y a un doute dans la tête de quelqu'un que la meilleure des générations c'est la génération des Sahaba? Hein? Est-ce qu'il y a un doute dans la tête de quelqu'un à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un doute dans la tête de quelqu'un que personne a plus de savoir à propos de la révélation d'Allah que eux? Yani c'est comme par exemple les modernistes que tu entends à notre époque. Qui parlent et qui prétendent que yani, ils sont plus savants au niveau de l'islam que les sahabas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ça, c'est la preuve de leur égarement. Et, c'est la preuve, et c'est, ça, c'est la voix de tous les gens de bid'a en général. Ils pensent qu'ils connaissent mieux la religion que les sahabas, puisque les, ils font et disent et croient en des choses que les sahabas n'ont jamais dit, ni cru, ni pratiqué. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est soit qu'ils sont meilleurs que les Sahaba, ou bien soit que, hein, ils sont dans l'égarement. C'est clair que ils sont dans l'égarement. Donc le Cheikh il dit, أي من المحال أن تكون القرون التي جاءت بعد الصحابة وتلقت العلم عنهم أن تكون أغفلت هذا الباب ولم تنقله وهم قرن التابعين وأتباع التابعين الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فخير القرون ثلاثة أو أربعة على بعض الروايات ومحال أن تكون هذه القرون المفضلة لم تنقل هذا عن الصحابة وتركته مهملا وأنها تقرأ القرآن وتروي الأحاديث ولا تعرف معناها كما تقوله الجهمية وأبرابها وينقلون لنا الألفاظ فقط وهذا اتهام لهم بأقبح الجهل وهم خير القرون وأفضلها الشيخ السبيسي يقول C'est impossible et inconcevable également que les meilleures générations, celles qui sont venues après les Sahaba et qui ont reçu la science des Sahaba, auraient été indifférents ou insouciants à propos de ce domaine ou de cette question de la religion hein, et qu'ils ne l'auraient pas transmise. Et qu'ils n'auraient pas transmis cette connaissance-là à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on dit ces générations-là, on parle des tabi'in, et on parle des tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in. C'est-à-dire, les tabi'in, c'est les élèves des sahaba, et les tabi'in, c'est les élèves des élèves des sahaba. Ceux dont le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fait les éloges, lorsqu'il a dit, le meilleur d'entre vous, ou la meilleure d'entre vous, c'est ma génération, la meilleure génération plutôt, c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc, les meilleures générations sont trois ou quatre selon certaines narrations, et il dit que c'est donc impossible, hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça de celles-là, puisqu'elles sont les meilleures générations, c'est impossible qu'elles ne nous auraient pas transmis, hein, yani ces choses-là, c'est-à-dire ces fondements de la religion, cette connaissance, cette compréhension des fondements de la foi en Allah et de ses noms et de ses attributs de la part des sahaba et qu'elle l'aurait négligé ou délaissé. Hein? Ou qu'elle lise, que ces générations-là pourraient lire le Coran et transmettre les hadiths sans savoir ce que ces versets et ces hadiths-là signifient. C'est inconcevable. Et c'est ce que prétendent, et c'est ce que disent les Jahmiyyah et ceux qui les suivent, parmi les Mu'tazila, et les Asha'ira, et les Maturidiyya, et les Ahbash, et tous les autres. C'est ce qu'ils disent, directement ou indirectement. Et, et qu'ils ne nous auraient pas transmis leur sens, le sens de ces noms et de ces attributs, mais qu'ils nous auraient seulement transmis les mots et les lettres, sans nous dire qu'est-ce que ça signifie, ou sans savoir ce que ça signifie. Et ça, c'est l'accusation, c'est d'accuser les salafs de la pire des formes d'ignorance et de la plus laide forme d'ignorance, alors que ce sont les siècles les meilleurs et les plus, les plus bénis. Subhanallah. Donc, tu dis que les meilleures générations sont ignorantes des fondements de la croyance et de la foi en Allah et de ses noms et de ses attributs, mais c'est les Jahmiyyah qui sont venus après, et ceux qui les ont suivis, c'est eux qui savent mieux qui est Allah et comment le décrire, comment parler de lui. Mais ça, c'est une accusation vraiment grave. Donc, le Cheikh, il dit, je crois, bien sinon on va s'arrêter ici, je crois. Et puis on continue la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc on va continuer la suite de cette explication. Donc tout ça, c'est pour que vous compreniez en même temps que ce que Cheikh Al-Islam Boukhini est en train d'expliquer et que Cheikh Al-Fawzan élabore et clarifie un peu plus dans ses propres mots. C'est pour ne pas comprendre en fait que Ibn Taymiyyah maintenant il est en train d'établir des bases. Il est en train d'établir des bases et des fondements pour nous aider à comprendre mieux cette partie de la foi, cette partie des fondements de la croyance. Et il nous établit en fait des points qui vont nous permettre de réfuter les shubuhat de ces gens de bid'ah qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois que quelqu'un comprend ces principes-là et ces fondements-là, par la suite, c'est très très facile pour lui de savoir comment répondre aux arguments de ces gens d'égarement, puisque, on voit que leur croyance est basée sur des prémices et sur des préceptes qui impliquent une attaque directe contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre les sahaba et même contre Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continue cette explication bi'idhnillah au prochain cours, dimanche prochain bi'idhnillah. Aussi, n'oubliez pas jeudi prochain la suite de la conférence à propos de ceux qui appellent les salafis madakhila, la réponse au sujet de ceux qui appellent les salafis madakhila. On va continuer dans la biographie de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, et expliquer la vie également des chouyoukh qu'il a eu. Et par la suite, on va élaborer sur d'autres points à ce sujet-là aussi, puis à d'autres sujets qui sont reliés à ça, jusqu'à ce que la question soit claire, bi'idhnillah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.